Je mène une vie d'aloca. La police, je foque. Ils font les fous en bas de mon bloc. Qu'est-ce qu'il y a, ouais, je traîne en loc. Mon pote voulait une voiture d'occas. Mais il s'est fait raser au casse. Pour avoir le respect, il faut de l'audace. Comme qui manie dans Jotas. Il me reste un peu de mon cœur, mon petit tout le fait comme eux. Je fais du rap depuis mon meuf, j'ai réussi sans diplôme. Je fais les euros, ouais, tu connais, je vis comme un boss sans déconner. Personne veut détrôner, mais je veux tout niquer pour être honnête. Allô, maman, comment ça va? En ce moment, je sais qu'on se voit pas. Je fais du mieux que je peux et on m'a quand même oublié. Je vais plus où je veux pour avoir tout ça, j'en ai chié. Les fois, je vais les trier, les petits font des billets. Je suis personne pour les crier, même quand ça les pend. Je me vois pas prier, souvent j'ai failli frier. Les stouts cavalent comme un étrier. Je tourne en rond comme les képis qui viennent qui te mettent des amendes. Je suis mon frère, ça fait le trait, je crois bien que c'est devenu la mode. Jojo est dans le game et ça le rappelle toutes les années. Tu me critiques comme des années. Je connais cette galère où ça te laisse en chien au TK2. Même pas une Clio 2, même pas un stick ou deux. Toujours un chien vermi ou deux. Tu m'as la tête dire t'es quiero. Puis je traînais au check en vélo. Le compte il me l'avait bloqué. Je devais des amendes à l'état. Mais dedans il y avait zéro. Attaquant comme Kun Agüero. Je fais pour rendre full libéro. D'autres pour mettre le shit dans le zéro. Je fais les billets, je fais pas le héros. Je traîne avec des cassos qui aiment trop rendre fou les béros. Les dents le nez cassé. Ah la pack vient de passer. Ils ont mis la sirène. Ton enfant voulait une dédicace. Ils sont pleins de mises à l'épreuve, pleins de grosses peines à des chiffres. Franchement j'en veux à personne, mais les jaloux ils méritent des gifles. Au quartier on voit des flashs, on rigole, on danse la lambada. Le poteau se taille en taille, j'ai envie de me jeter dans le bagage. Je crois que ça m'en veut encore, je sens qu'il y a de la haine dans les parages. Je rappe pour qu'ils pètent des brinks, pour qu'ils forcent les barrages. Je mène une vida loca. Je mène une vida loca. Je mène une vida loca. Je mène une vida loca. Je mène une vida loca, je mène une vida loca, loca, je mène une vida loca, je mène une vida loca, loca, je mène une vida loca, je mène une vida loca, loca, je mène une vida.